feeling jamida. Eche, Emile Lopez Mba mi dupe. Emma Jagira et Tomo Wale o do shebe. Eche, Emile Lopez Mba mi dupe. Emma Jagira et Tomo Wale o do shebe. 420 combo, 420, 420 combo. 420 combo, 420, 420 combo. 420 combo, 420, 420 combo. 420 combo. Dans your dog account, dans your city, Jérémy y a mégé, on est pas qui dicte. More push kid, I'm a wa ok. More bad bitches are on the way. Me know how to handle me my year. I do have me niki bundle bundle my wallet. Bad way, you got a busta rapper, photo kaja so me. Some people who know pass all of me. Let me go and move my tail. Mo dupe fun sumo loda ti je rise. It don't reach time for me to order fufu. Imanu fagi mo ti nawo soju. Fuke ni yato si pari osu. Enu foto o fe to enu fe tu. Eche, Emi lope te mba mi dupe. Ema je gira en tomo wale o to shebe. Eche, Emi lope te mba mi dupe. Four twenty combo.